C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les trois Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. On va parler avec Phil Desgagnes. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, les deux grosses nouvelles cette semaine dans le monde du sport, c'est le congédiement de Don Cherry. Comment tu as réagi face à ça? Moi, je vais te dire une affaire, ma position, c'est que c'est une question financière. Sûrement, parce qu'il gagnait le gros salaire, il faut le dire. Là. En début d'année, rappelez-vous qu'il n'était même pas sûr que de le réengager à Sportsnet, parce que Sportsnet perd énormément d'argent avec le hockey de la Ligue nationale, comme TVA en perd énormément également. Donc, à partir de ce moment-là, on doutait un peu qu'il pourrait. Sauf qu'on l'a ramené quand même parce que, il faut le dire, Don Cherry est extrêmement populaire du côté anglophone, du côté de l'Ontario et de l'Ouest canadien. Ses commentaires sont de temps à autre plus à l'extérieur du hockey que du hockey, mais ça demeure que depuis quand même une quarantaine d'années, il était quand même le coach corner, comme on l'appelle, le coach corner le samedi soir, était très, très populaire. Mais, écoutez, probablement qu'il a passé une limite qu'il ne devait pas passer, et je pense que Sportsnet a profité de probablement une clause qu'il avait dans son contrat pour simplement le congédier. Mais Phil, il a déjà dit des affaires bien pires que ça. Entièrement d'accord avec toi. Je te donne raison. Là. Il a dit des choses pas mal pires que ça, puis pas doublement pires que ça. Puis envers les francophones, il a été beaucoup plus sévère envers les Canadiens français, puis les petits joueurs, puis les gens qui portaient des masques, puis les arbitres avec des casques, puis tout ce que tu voudras. Là. Il a dit 10 fois pire que ça. Sauf que je pense qu'on était rendu probablement à la limite de la tolérance. Et des fois, ça prend pas grand-chose pour dire « Hop, là, c'est un peu trop ». C'est probablement ce qui est arrivé à Don Cherry. OK. Grosse nouvelle hier, c'est une bombe qui vers 8 heures qui est tombée. Thierry Henry, qui est l'entraîneur-chef de l'Impact. Ta réaction là-dessus? Ben, écoutez, moi, je dis que le coach est aussi bon que ses joueurs devant lui. Dans n'importe quel sport. Ça va être le plus grand génie du sport, au football, au hockey, ou n'importe quoi. Si t'as pas les joueurs, les éléments devant toi, tu pourras pas. Moi, je pense que sur le plan marketing, sur le plan visibilité, sur le plan de aider l'équipe de l'Impact à avoir encore une meilleure notoriété, c'est un coup de maître. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Deux, l'Impact est condamné, comme le Canadien de Montréal, avoir un instructeur qui parle le français. Parce que la clientèle francophone, on court après, on la veut, on veut lui donner des explications, et je verrais pas un coach qui ne parle d'aucune façon, d'ailleurs on l'a eu à la fin de l'année, un coach qui ne parle pas d'aucune façon français. C'est extrêmement difficile pour les médias de véhiculer le message, de véhiculer la publicité et les promotions. Écoutez, vous avez regardé le Canadien, Claude Julien donne un point de presse à peu près 5 fois par semaine. Les médias se nourrissent de ça. Marc Bergevin, c'était un DG anglophone. Écoute, à tous les 3 mois, il fait une conférence de presse pour donner son point de vue de ce qu'il veut. Si c'était un anglophone, là, moi, je suis convaincu que ça n'existerait pas. Donc, à ce moment-là, l'Impact est condamné à avoir quelqu'un qui parle le français. Maintenant, c'est tout beau, tout ça, sauf que ça va prendre des joueurs à M. Henry. Là. S'il n'y a pas vraiment ce qu'il faut sur le terrain, ça pourrait être un des plus grands joueurs de soccer de l'histoire. Tu pourras, écoute, Wayne Gretzky a déjà été coach. C'est ça, Maurice Richard. Le de l'histoire, Maurice Richard l'a été, c'est pas nécessairement. Il y a une chose qu'il faut regarder. Moi, je dis que les coachs sont aussi bons que les joueurs devant eux. La différence souvent des instructeurs, c'est quand les deux ont une bonne équipe, c'est celui qui a vraiment qui a plus d'astuces, qui a plus de leadership, ou il y a plus de technique qui va faire la différence. Mais, personnellement, je pense que M. Saputo veut démontrer également à Montréal que parce qu'il n'est pas venu des pinottes, j'en suis convaincu, je ne connais pas son salaire, mais je suis convaincu que M. Saputo, il a dit, là, je vais démontrer à Montréal que je veux tout mettre en œuvre pour vraiment, vraiment donner à Montréal une équipe. Mais ils ont le même problème que le hockey, que le même problème un peu que le baseball, c'est la masse salariale. Quand tu n'as pas les éléments qu'il faut, les joueurs qu'il faut avec le budget total, moi, je pense que Saputo, il peut mettre le budget. Sauf que les joueurs, il faut que tu les découvres, puis il faut que tu les payes, puis il faut que tu y ailles les chercher. Donc, les coachs, c'est pas le cas. Le coach, tu peux le payer si tu veux le meilleur au monde. c'est un qui a le payé puis il va venir. Mais ça prend les joueurs avec, là. Donc, l'Impact devra travailler pour avoir de meilleurs joueurs puis avoir une meilleure équipe sur le terrain pour que le coach paraisse bien. Parce que s'il n'y a pas les éléments qu'il faut, moi, je pense que ça ne pourra pas donner les résultats qu'on t'a mis. Ça va aider les billets de saison, puis pour relancer la saison, ça, il n'y a aucun doute. Mais Phil, Olivier Renard, le nouveau directeur sportif, qui est un peu un directeur général là, au hockey, là, ça va aider aussi. Il n'avait même pas avant. Il n'avait pas d'équipe de dépisteurs. Il manquait. Je pense qu'on s'est rendu compte, à cours de route, M. Saputo était réellement impliqué au niveau de l'équipe. Il est même descendu dans le vestiaire. Je verrais pas Jeff Monson descendre dans le vestiaire pour aller planter les joueurs du Canadien. Ouais. Saputo le fait. Mais moi, je pense que là, avec les éléments qu'il a donnés là, je pense pas que le DG puis le coach vont accepter que M. Saputo descende dans le vestiaire. D'abord, être le maire, le payeur, le propriétaire de l'équipe. Tu peux pas faire ça dans le sport professionnel. C'est le DG qui est là, c'est le coach qui est là. Que le DG descende une fois de temps à autre, ça peut arriver. Marc Bergevin ne descend pas à quoi il est parti. Là. Mm. Il descend peut-être une fois ou deux dans la saison pour dire à son coach, puis le coach lui a donné la permission avant pour dire « Oui, oui, là, je pense que c'est peut-être le temps. » Mais dans le cas de Saputo, une mauvaise défaite, descendre à l'adversaire, planter les joueurs, ça ne marche pas chez les professionnels, puis je pense que ça, il vient de s'en rendre compte. Ouais. Salut Phil, on s'en reparle la semaine prochaine. Reste en ligne, je veux te parler. Merci. C'est le commentaire de Phil Gagnon.